Chapitre 2e. C'était le dégel rapide. Dans les accalmies, l'air avait une tiédeur molle. Suivant les bords de l'Oise, les quatre hommes avaient contourné l'extrémité du village, se dirigeant vers le bois de Chancel, dont la lisière se trouvait à 100 mètres à peine derrière l'église. En passant sur la place, Loisy appela à plein poumon « Georges ! Georges !» Il espérait que le jeune homme, se hâtant, serait déjà arrivé près du village. Rien ne répondit. Cet appel, suivi de silence, était sinistre et les cœurs se serrèrent. « De quel côté allons-nous ? » demanda l'abbé Lampequin. « Par le pré des Chaumes, » dit Thomas, qui marche en avant. « Non, non, » fit Loisy, « il n'est pas probable qu'il revienne par là. » Thomas se rapprocha. « Pourquoi donc, notre maître ?»« Parce que c'est par ce chemin-là qu'il est parti ce matin. Il aura nécessairement fait le tour par Ville-Girard et regagnera le village par le pont de l'Arbette. » Thomas mit son bâton sous son bras, se gratta l'oreille et, s'étant arrêté, ne répondit pas. « Parlez donc, Thomas, » fit l'ancien notaire, qui avait l'accent rude. « Si vous avez une autre idée, dites-la, mais ne nous faites pas perdre notre temps. »« Pardon, excuse, » fit Thomas, « mais c'est ce que dit monsieur qui me gêne. »« Quoi, expliquez-vous. » »« Monsieur dit que monsieur Georges est parti par le pré aux Chaumes. »« Eh bien, c'est qu'il me semble à moi qu'il est au contraire parti par le petit bois de la Garenne, juste par le sentier du pont de l'Arbette. »« C'est impossible, » interrompit Loisy. « Abel m'a dit lui-même qu'il avait conduit son frère jusqu'au pré des Chaumes. »« Ah, en ce cas, » fit Thomas avec un geste décidé, « c'est que je me trompe. Mais voyez-vous, ce matin, j'ai rencontré les deux jeunes maîtres qui allaient ensemble, et j'aurais juré qu'ils marchaient vers l'Arbette. Après ça, peut-être qu'ils auront tourné par le chemin creux. »« C'est évident, » reprit Loisy. « Je reviens donc à mon raisonnement. Parti par les Chaumes, Georges aura fait, comme toujours, l'arc de cercle, et c'est à l'autre extrémité, c'est-à-dire au bois d'Arbette, que nous devons le rencontrer. » Pour des gens habitués au pays, le raisonnement était inattaquable. On se mit donc en route, dépassant le lavoir et les dernières maisons du village. La pluie s'apaisait. Maintenant, ce n'était plus qu'une bruine, mais rapidement, sous l'avalanche d'eau qui était tombée pendant une demi-heure, la neige avait fait boue. Les pieds clapotaient, les chaussures se collaient aux ornières, on glissait et la marche était lente. Loisy, comme pris d'une fièvre, tremblait d'impatience. Les hommes n'échangeaient plus un seul mot, comprenant l'inutilité de ces phrases banales qui ne parviennent même pas à atténuer l'inquiétude. Thomas, quelques mètres en avant, grommelait. Il était sûr qu'on faisait fausse route. Il n'avait pas la berlue ce matin. Les deux frères s'étaient justement engagés dans le chemin qu'ils suivaient maintenant. Et jamais, au grand jamais, chasseur n'était revenu par la route qu'il avait prise le matin. Mais on s'obstinait. Oh, les maîtres ! Les yeux, s'habituant à la nuit, distinguaient déjà, au fond de l'horizon borné, la silhouette longue et basse des bois de Chancel. Le sentier qui y conduisait, creusé en terre marneuse, était bordé de saules, étêtés et pareil à des bêtes étranges, aux têtes difformes et aux corps monstrueux. La lanterne de Thomas jetait sa lueur aux flaques d'eau, ponctuant le sol d'éclats brillants. Parfois on était obligé de s'arrêter, tant la boue collante emprisonnait les pieds. Loisy boitait plus que de coutume. La piqûre persistante de la pluie lui mettait au front, aux tempes, une gêne qui l'irritait et décuplait son angoisse. Le curé l'avait dépassé et marchait à côté de Thomas, rouchonnant toujours, en vrai serviteur, qui croit avoir raison contre son maître et n'ose le dire tout haut. On atteignit le bois. « En vérité, dit M. Berthemont, et quoique la chose soit bien extraordinaire, je crois que Georges aura eu peur de la pluie et se sera arrêté à Ville-Girard. »« Eh bien, nous irons jusque-là, » répondit Loisy avec une sorte de colère, comme s'il eût soupçonné son compagnon d'être disposé égoïstement à retourner en arrière. Sous la voûte des branches nues, où l'obscurité redevenait plus noire, la neige n'avait pas encore fondu. Même, elle craquait sous les pieds. C'était comme un soulagement pour la marche qui reprenait plus de sûreté. « C'est singulier, » dit l'abbé Lampequin à Thomas. « Nous devrions déjà, il me semble, entendre le petit saut. » On appelle ainsi une chute de l'Arbette, d'où l'eau tombe d'un mètre à peu près avec un bruissement assez vif. « Pas étonnant, » fit le serviteur, « c'est qu'elle est en glaçon. A-t-il donc gelé assez fort ? Et il y a des nuits où nous avons eu dans les 10 degrés, et l'Arbette n'est guère large. » « Je l'ai traversée il y a 3 jours. Elle était très haute et roulait fort. »« Possible, » reprit Thomas, qui décidément trouvait qu'on lui faisait trop d'opposition. « Mais regardez plutôt. » Ils étaient arrivés sur le bord de la petite rivière qui, contournant le village, allait se jeter dans l'Oise, au-dessous de Lompré. Ici, la route faisait un coude et suivait les bords de l'Arbette, que l'on traversait à une centaine de pas de là sur un pont rustique. L'Arbette était gelée. Un lit de neige recouvrait sa surface, sous laquelle on ne distinguait même plus le frisson de l'eau courante. Cette blancheur jetait de la lumière. On voyait les moindres détails de la surface comme en plein jour. « Elle est très haute !» remarqua l'abbé. « 3 jours de pluie, et elle débordera !» répliqua Thomas. Comme ils avaient tourné l'angle de la route, ils s'aperçurent que Loisy et l'ancien notaire ne les devaient plus voir. Ils attendirent quelques minutes. Justement, M. Berthemont appela le curé. « Voyons, monsieur l'abbé, je vous en prie, aidez-moi à calmer monsieur Loisy. Voilà que maintenant il se met martel en tête, des idées noires. Je suis persuadé, et vous le serez comme moi, que Georges a couché à Bill Girard. »« Certainement, certainement, » fit l'abbé d'un ton péremptoire, comme si la chose ne faisait plus pour lui le moindre doute. Monsieur Berthemont, s'approchant de l'abbé, lui avait serré le bras de façon significative. Il était effrayé, non sans raison. Depuis quelques minutes, Loisy, silencieux jusque-là, s'était mis à parler vite. Les paroles avaient été d'abord presque incohérentes. Les mots sortaient mal de sa bouche qui semblait s'empâter. Puis, comme sous un effort violent, la netteté lui était revenue. « Que voulez-vous » s'écriait-il d'une voix où tremblaient des larmes mal contenues. « C'est plus fort que moi. Je ne sais pas si c'est cette nuit noire, ce bois sinistre, mais j'ai peur, oui. Je l'avoue, j'ai peur. » Et il grelottait, non de froid. Ses dents claquaient. Le groupe hâtait le pas. Les trois silhouettes, engoncées de lourds manteaux, faisaient tache sombre sur le fond blanchâtre de l'Arbette. Peut-être l'émotion de Loisy n'était-elle qu'une surexcitation du sens artistique devant l'étrangeté morne du tableau dont il était un des personnages. Que lui répondre? Ses amis aussi éprouvaient cette sensation vague qui tient de la peur et de la fatigue. Aller jusqu'à Bill Girard, près de 2 lieues, c'était folie. Et pourtant, comment obliger ce père à revenir sur ses pas? Quant à l'abandonner, il n'y songeait même pas. Tout à coup, dans l'accalmie de la nuit, un violent juron retentit, grossier et furieux. C'était Thomas qui l'avait proféré, étant à une 20aine de mètres en avant. « Qu'y a-t-il ? » cria M. Berthemont. « Le pont ! Le sacré de pont qui a dégringolé !» On se hâta, c'était vrai. À la dernière crue, avant les grandes gelées, la petite rivière s'était gonflée, et dans son élan avait déraciné l'un des forts pieux de chêne sur lequel s'appuyait le petit pont qui, vermoulu, s'était affaissé dans l'eau. Son plancher disjoint ressemblait au cône brisé d'un squelette. Le tablier pendait, encastré maintenant dans la glace, qui formait alentour un amas. « Pour sûr que M. Georges n'a point passé par ici !» fit Thomas d'un ton où perçait un sentiment de triomphe. « À moins que le pont n'écroulait sous son pas !» dit vivement Loisy. « Et non !» reprit Thomas. « Si la cassure était aussi récente que cela, la glace n'aurait pas eu le temps de se former autour des pieux. » Il fourrageait de son bâton les cristaux de neige qui adhéraient aux débris. Ils étaient tenus solidement, ce qui prouvait l'exactitude de son observation, le dégel ayant commencé déjà depuis plusieurs heures. « Loin de nous inquiéter, » reprit M. Berthemont, avec une franchise non jouée cette fois, « cet accident nous explique au contraire de la façon la plus nette le retard de Georges. Revenant de Ville-Girard et ignorant que le pont eût été emporté par la crue, il a été arrêté au moment même où il arrivait à Lompré. Force le bien était de retourner sur ses pas. « À moins, » conclut Thomas, qui tenait à son idée, « à moins qu'il ne soit revenu par le pré et qu'il ne nous attende à la maison. » Loisy secoua les épaules sans répondre. Certes, tous ses raisonnements étaient justes et il aurait dû se déclarer convaincu. Pourtant, une force inconsciente le retenait là. « Voyons, mon ami, » dit le curé, s'approchant de lui. « Je ne vous reconnais pas ce soir. Vous, si décidé d'ordinaire, vous semblez ne pas savoir ce que vous devez faire. Il nous est impossible d'aller droit devant nous et de franchir cette barrière de l'Arbette. Le prochain pont est à plus de 2 lieues d'ici. Comme vous l'a dit M. Berthemont, il faut bien admettre que Georges est retourné sur ses pas et... » Il fut interrompu brusquement. Depuis un quart d'heure déjà, la pluie avait cessé. Les nuages couraient plus vite dans le ciel et de temps à autre, une éclaircie les séparait, laissant passer largement les rayons de la lune qui, justement, était dans son plein. En ce moment, la lueur blanche projetait sur l'Arbette son éclat vif et net. Loisy avait arraché son bras de celui de M. Berthemont et courait en aval. À quelques mètres, il avait étendu le bras vers le milieu de la rivière en criant « Là, là, regardez !» Une tache noire, dont la forme ne se pouvait distinguer, ressortait sur la pâleur brillante de la neige glacée. L'arbette n'est large en cet endroit que tout au plus 3 mètres. Thomas s'était élancé auprès de son maître et là, s'était mis à plat ventre, le bras étendu, il fourrageait de son bâton cette chose inconnue qui avait réveillé si fort les inquiétudes du malheureux père. L'oisille s'était jeté à genoux, les mains appuyées au sol, le col tendu, regardant de tous ses yeux. La lune se cacha, le rayon s'éteignit. Thomas jura de nouveau, mais il ne se rebutait pas. Ce qu'il touchait du bout de son bâton ne résistait pas. C'était quelque chose de mou qui fuyait sous la pointe du bois. « Il faudrait un crochet, » fit-il. « En tout cas, ça n'a rien de grave. Ce n'est pas lourd. » La même pensée étant venue à tous, il répondait instinctivement. « Ce n'était pas un cadavre. »« Bon, » dit-il, « la glace pourra bien me porter. » Il jeta son bâton à côté de lui, et avant qu'on eût songé à l'arrêter, il s'étendit, rampant dans la direction de l'objet mystérieux. « Ça craque !» murmura-t-il. « Allons toujours !» Il s'allongea de toute sa force, sachant que plus la surface de la glace est grande sous le poids, et mieux elle résiste. « Je le tiens » cria-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il restait immobile, comme s'il eût examiné attentivement quelque chose. « Eh bien ?» cria Loisy. « Voilà, je reviens !» fit le serviteur d'une voix toute changée. Berthemont et l'abbé, d'un mouvement instinctif, s'étaient pris la main. Ils avaient remarqué l'étrange accent de la voix de Thomas. Eux aussi, maintenant, pressentaient un malheur. Thomas atteignit la rive, se mit sur les genoux, puis se redressa et enjamba la berge. Il tenait à la main un objet noir. Sans attendre, Loisy s'était jeté sur lui, avait saisi l'objet, puis avec un cri sinistre qui déchirait sa gorge. « Son chapeau !» clama-t-il. « C'est son chapeau !» Il s'abattit sur le sol, brisé, mais non épanoui. « Son chapeau, vous dis-je » sanglotait-il. « Oui, je le reconnais bien. Mon fils, mon Georges, là-dessous, noyé, noyé !» Il avait des hoquets effrayants à entendre, pleurant comme un enfant qu'on vient de châtier, impuissant à reprendre sa respiration. Thomas parlait à M. Berthemont, vite et très bas. « Il y a un trou, là, au milieu. La glace s'est crevée. Il a voulu passer, et il est tombé. Il est là-dessous, quelque part. » Loisy s'était redressé, et dans un accès fou, il avait bondi sur la glace, mais les mains robustes de Thomas l'empoignèrent par ses vêtements avant qu'il eût hasardé un second pas et l'attirèrent en arrière. Dans le choc, Loisy trébucha et s'abattit sur la berge, comme foudroyé. « Écoutez, Thomas, » dit M. Berthemont, « il faut prendre une décision. Nous allons rester là, auprès de M. Loisy. Courez jusqu'à Longpré. Le garde champêtre demeure tout près de l'église et réveillez-le et revenez avec des hommes, des torches, des crocs. « C'est dit !» Thomas serra les coudes au corps et se mit à courir. Le bruit de ses pas se perdit dans le bois. Loisy était toujours affaissé, comme mort, si la respiration forte, presque ronflante, n'eût point prouvé qu'il n'avait point cessé de souffrir. M. Berthemont le souleva dans ses bras, aidé de l'abbé, et tous deux, le redressant, le conduisirent ou plutôt le portèrent jusqu'à l'autre côté de la berge. L'abbé se défit de son manteau qu'il disposa en manière de siège, et Loisy fut à côté un arbre. Il avait les yeux à demi fermés, la bouche tordue et sa gorge gloussait. « Le malheureux a été frappé d'une nouvelle attaque, » dit M. Berthemont tout bas au prêtre. « Vous croyez ? Alors il faut le saigner. »« Oui, on pourrait ainsi le sauver, mais qui ? Le médecin demeure à Bilgérard. »« Nous autres curés de campagne, il nous faut savoir un peu de tout, » dit doucement l'abbé. « J'ai toujours une trousse sur moi. » »« Alors essayez, quoique le sauver ce soit le faire souffrir. » « La vie est chose sacrée, » dit simplement l'abbé. La lune se dégageait de nouveau, en un espace plus large. Sa lueur serait durable. Ce n'était pas chose facile que de manier ce corps lourd en lequel toute initiative vitale avait disparu. Mais les deux hommes étaient encore vigoureux et de plus avaient la ferme volonté de bien faire. Le manteau de fourrure glissa lentement. Puis, avec un couteau, la manche du paletot et la chemise furent fendues. Le bras était à nu. La blancheur de la peau éclatait sous la lumière de la lune. Cette scène, mettant des ombres noires autour de ce corps affaissé, groupe dans lequel éclatait seule la note claire du bras découvert, eût été digne du pinceau des vieux flamands. L'abbé était devenu très pâle, sentant toute sa responsabilité. Non qu'il hésitât, mais son courage même était la preuve la plus grande de son dévouement et de son abnégation. Il avait retroussé sa manche pour avoir le poignet plus libre. fouillant sous sa soutane, il avait retiré d'une poche intérieure un petit écrin de cuir dans lequel se trouvaient, serrés entre des courroies élastiques, une lancette, une pince, des flacons plats de sel, d'alcali, toute une pharmacie de poches, aussi des bandes étroitement roulées. Monsieur Berthemont était un aide précieux. Très froid, très calme, il obéissait mathématiquement aux ordres que le curé plus agité lui donnait d'une voix saccadée. Le bras fut comprimé selon les règles de l'art, les veines de l'avant-bras saillirent. L'abbé marmotta quelques mots qui devaient être une prière, puis la lancette fit son office. Une goutte de sang, épaisse et brune, parut à l'orifice de la blessure. Les deux hommes échangèrent un regard attristé, apeuré même. Mais, une minute après, un filet d'un rouge noirâtre coula, peu à peu s'adoucissant au rouge plus clair. L'abbé attentif calculait mentalement la quantité qui sortait. « Assez !» fit-il. Il enleva dextrement la ligature, n'ayant plus peur maintenant, rassuré tout au moins sur sa propre faiblesse. L'opération avait réussi. Un tampon de linge comprima la petite plaie qui disparut sous un bandage de pansement. Il eut quelques minutes d'angoisse, puis un long soupir souleva la poitrine du malade et s'exhala lentement. « Il est sauvé !» fit M. Berthemont, « du moins pour le moment. Vous êtes habile, monsieur le curé. »« Dieu que j'ai eu peur !» répliqua naïvement le brave abbé, qui maintenant semblait sur le point de se trouver mal, plus pâle que son client d'aventure. Mais encore une fois, l'idée du devoir lutta victorieusement contre la défaillance physique. Le bras de Loisy fut recouvert sous son manteau. Il n'avait du reste fait aucun mouvement. « Pauvre monsieur Loisy !» murmura monsieur Berthemont. Le temps s'était écoulé. Les deux hommes debout regardaient la glace brillante qui cachait un secret de mort et n'osaient point se parler. Trois quarts d'heure se passèrent ainsi. Il était près d'une heure du matin. Bien que tous deux connussent exactement la distance qui les séparait de Lomprey, il leur semblait que Thomas mit bien du temps à revenir. Et pourtant, du pas le plus rapide, il fallait au moins une demi-heure pour l'aller, autant pour le retour. Et combien de temps encore pour réveiller les gens, pour leur donner des explications, pour les entraîner? Comme l'abbé, M. Berthemont s'était dépouillé de son paletot pour couvrir Loisy. Et tous deux se sentaient pénétrés jusqu'aux moelles de ce froid humide des nuits de dégel. Ils grelottaient, mais ne se plaignaient point. « Enfin, les voilà !» fit l'ancien notaire. En effet, à travers les arbres, on apercevait les flammes des torches de résine qui, secouées, ressemblaient à des chevelures étincelantes. Puis la voix de Thomas parvint jusqu'à eux annonçant l'arrivée. Le groupe allant au pas de course déboucha du chemin tournant. Ils étaient nombreux, presque une douzaine. Outre Gaspard, le garde champêtre, Thomas avait racolé Blaiseau, le passeur de l'Oise, qui s'était muni de ses crocs. D'autres portaient des pioches pour casser la glace. « Le brancard nous suit !» dit Thomas, soufflant ses mots dans un annèlement fatigué. « Et Monsieur Loisy ? » reprit-il. Il vit à terre la tache de sang et eut peur. « Il allait mourir, » dit le curé, « j'ai dû le saigner. » Thomas ne s'apitoya pas. C'était une fatalité, bien sûr. Maintenant, il fallait travailler. Il montrait aux hommes l'endroit où il avait ramené le chapeau. On tâtait la glace avec des gaffes. « Elle a crevé presque au bord, » dit Blaiseau. « Bien vrai que le pauvre monsieur touchait presque à la berge quand il est tombé. »« Il ne savait donc pas nager ?» fit une voix. « Nager, quand le courant vous entraîne sous la glace, je voudrais bien t'y voir, gros malin. » Il descendait, s'éloignant du pont. Leur idée était de briser la glace le plus loin possible pour pouvoir lancer les crocs. L'arbête avait bien ses 2 mètres, 2,5 mètres de profondeur, rapport à la crue. Ces traîtres, ces méchantes rivières de rien du tout. Les pioches s'escrimaient. En certains points, la glace très épaisse résistait. En d'autres, au contraire, elle cédait comme coquille d'œuf. Les gaffes et les râteaux déblayaient la place. Ils étaient actifs et pleins de bon vouloir. On allait vite. Un cri aussitôt comprimé retentit, puis il y eut un grand silence. Blaiseau avait lancé son croc et, courant en amont, avait raclé le fond de la rivière. Du coup, il avait senti une résistance. Il avait fait signe aux autres et on allait doucement, lentement, avec le naïf respect de la mort qu'on devinait au bout de cette corde. Une masse noire émergea. Des bras s'y accrochèrent. Les deux amis de Loisy s'étaient agenouillés, regardant, et la pauvre figure pâle du noyé apparut, sous le rayon livide de la lune. Et quelques instants après, 2 corps étaient étendus côte à côte sur le brancard, l'un vivant, l'autre mort, tous 2 insensibles et inanimés. Le cortège reprit la route de Lompré. Thomas dit à M. Berthemont, « Tout de même, c'est bien drôle. J'aurais juré qu'il était parti par ici ce matin. »